Tommy. Tue-le, c'est un des connards qui s'en prenait à toi à l'école quand t'étais petit. Qu'est-ce que t'attends? Allez, viens ici. Et la tronçonneuse en marche. Dépêche-toi, Tommy, allez. Mission, MC chasseur de tête de con, sans pitié ni prétention, débarrasse la planète bidonchon. Ceux qui râleront, salissent les tombes de leurs mensonges. Ceux qui engrossent leurs tombes pour les allocs, moi j'engraisserai leurs petits qu'on les croque. Ça se pas mal que je bats les chaînes en toc, sans se douter que le prédateur a du stock. Un arsenal qui te fait chier dans ton rock, du style qui s'y frotte ses gorges. Planqué dans cette jungle humaine, j'observe ceux qui m'engrènent, entretiennent les verrues qui nous gênent. R.I.T.M. plein le fessier, ne restons pas sans bouger. Un paquet de zombies, je ferai mon armée. Lâchés comme des loups, moi seul va les contrôler. C'est comme ça que sont fatigués. J'en monterai jusqu'à l'Elysée, dans la tanière de Pinocchio. Le buffet froid froid deviendra chaud chaud. Quand y'a du nettoyage à faire, on oublie les hauts. Je suis chasseur de tête de con. Eh ouais, voilà mon nom, toujours prêt quand y'a mission. Armée ma tronçonneuse et mon crayon. Quand y'a du nettoyage à faire, on oublie les hauts. Je suis chasseur de tête de con. Eh ouais, voilà mon nom, toujours prêt quand y'a mission. Armée ma tronçonneuse et mon crayon. Le retour dans mon QG, le tapis est trempé de son gorgé. Le dossier, je pense avoir mérité un peu de repos. Avalé dans mon canapé, j'ai rematé le tchapeau. Du nettoyage d'aujourd'hui, en bas le champ, kiki. Façon de parler, tu m'as pris pour qui? Un court moment, car en cours j'ai des instruments à fignoler, des cassettes à enregistrer. L'existence est cachée par une attitude, un souci d'apparence. Les traîtres paieront ma créance, les bombes sont prêtes, ma fresque avance. L'hémoglobine de mes victimes se vaporise par l'aérosol. Parfois l'odeur me cloue au sol, provoque des crispants. Non maman, je veux pas aller à l'école. Quand y'a du nettoyage à faire, on oublie les hauts. Je suis chasseur de tête de con. Eh ouais, voilà mon nom, toujours prêt quand y'a mission. Armée ma tronçonneuse et mon crayon. Quand y'a du nettoyage à faire, on oublie les hauts. Je suis chasseur de tête de con. Eh ouais, voilà mon nom, toujours prêt quand y'a mission. Armée ma tronçonneuse et mon crayon. Je suis un artiste, un tracé décalé, un artiste pas fait pour miauler. Donc je résiste pour ne pas finir avarié. La justice me fait débander. Le crime paix, espèce se moque de la paix. La guerre crée les conflits, se régale du profit. Je serai renaître, les innocents, les incompris par leur mémoire. Ils vont tourner la roue, un jour tu vas voir. Super simple l'addition, humiliation plus tuerie égale réaction. Un seul homme mérite votre attention, même si chasseur de tête de con. Quand y'a du nettoyage à faire, on oublie les hauts. Je suis chasseur de tête de con. Eh ouais, voilà mon nom, toujours prêt quand y'a mission. Armée ma tronçonneuse et mon crayon. Quand y'a du nettoyage à faire, on oublie les hauts. Je suis chasseur de tête de con. Eh ouais, voilà mon nom, toujours prêt quand y'a mission. Armée ma tronçonneuse et mon crayon.